Cette semaine, et ça, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, nous mâcherons, oui. Oh là là, ne mange pas deux fois, toi là, là. C'est vrai. À force de mâcher, hein, ça devient comme ratatiner. Ouais, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons et lèverons à bras de mot celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe radio. Mais là, j'ai écrit aussi en bas irréel. Radio ou irréel, c'est deux mots que je... Faudrait que je choisisse là, actuellement, là, à ce moment précis, puis je sais pas. La radio, c'est merveilleux, parce que c'est des ondes. Puis ça fait pas friser, ça fait pas frisoter le cuir chevelusse. Ça fait peut-être enrichir, pas toutes les radios, peut-être pas mon émission, mais ça c'est cohérent, il y a des émissions intellectuelles où on peut s'enrichir. Ici, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ouais, qu'on se divertit, on se désagrège. Ouais, mais c'est ça, on se désagrège, on aime ça se désagréger. À un moment donné dans notre vie, c'est bien beau pomper, puis manger biologique, puis mettre du 100% vitaminique. Mais il faut bien arrêter tout ça. Faut bien, mais là, à combien de résilience? Ben là, pas trop, là, parce que déjà, au point de départ, il y en a pas tellement. Pas de résilience, mais de vitamines puis de tout ça, là. Mais un petit flux. Oh, j'aime ça. Un petit flux. Oh oui, un petit flux. Hey! OK. Un petit flux de quoi? De divertissement dans une société qui en demande pas tant que ça. Mais en tout cas, qui en a pas tant que ça et qui en demande beaucoup. Puis comme me disait mon ami, je crois que c'est... comment il s'appelle, donc? Lui, là. Moi, je mentionne un nom, c'est, je le vois, Meunier, Claude Meunier, qui dit « Beaucoup d'humoristes, mais si peu d'humour. » il a raison, il a touché le but. Et puis, irréel, si j'utilise le mot irréel au lieu de radio, irréel, c'est pour oublier le tout, toute la réalité qui nous entoure et qui, quelquefois, nous amène dans une une flébite. De l'intelligence, hein? Un gonflement cérébral, et c'est comme ça qu'il nous arrive des problèmes techniques. Des problèmes techniques. Ouais, mais moi, je connais pas les vôtres. Des problèmes techniques, comme celui-là. Oui, des problèmes techniques, à force de répéter. Oui, c'est ça, exactement. Mais en même temps, hein, oublier, c'est commencer à réapprendre. J'ai un professeur, moi. T'as pas été à l'école? Non, pas longtemps. Oh, moi, j'ai arrêté à l'université deuxième dan. Ah, mon Dieu. Là, ils m'ont dit que c'était un cycle. Hein. Puis moi, au lavage, là, j'ai essayé trois cycles au lavage. Puis je rétrécis. Je me suis dit, si je me rends à trois cycles à l'université, je vais sortir. Je serai plus visible. Alors, je préfère quitter le premier en étant risible qu'aller au troisième puis être invisible. Alors, c'est une belle... Puis en plus, un peu plus d'argent dans mes poches. Ouais, mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, j'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je voyage souvent en dernière, j'ai pas un nom en haut de la tour, puis surtout, je ne suis pas un artiste, et puis voilà, c'est ça, faut changer de peau et me voir me trouver beau dans un grand écran couleur, puis hey, on aimerait ça que ta chambre, non, je la fais souvent, puis les gens disent que c'est mon émission, c'est de la redondance, ils savent même pas ce que ça veut dire, ben voyons, de la redondance, ça... C'est comme un politicien, là, ça se répète. Oh! Sans mentir. Ben, en essayant de le faire le moins possible. Quoi, en mentant le moins possible? Non. En répétant sans se représenter dans une autre optique pour dédire ce qu'on a déjà dit. Ben, c'est ça. C'est ça que j'ai dit tantôt. Ben, voyons. Alors, fais-le ta petite chanson. Oh, tente pas. Ben, tente-toi un peu, motive-toi. OK, ben merci. Hein. Déjà, toi, de te voir devant moi, tu m'amènes. Bon, ben OK, recule pas, amène-toi. J'aurais voulu être... Oh, il va, non, c'est fini. OK, on la fait pas. Un artiste... Bon, bloc 2, c'est quoi? C'est comme si c'était un bloc 1, mais numéro 2. C'est-à-dire nouveauté. Oh, je l'aime pas, celle-là. Oh, est-ce que j'ai le droit de la rejeter? Ben oui, c'est toi, tu mènes ta baraque comme tu le veux. Oh, merci Obama! Non, comment ça Obama? Ben oui, au Barack Obama. Funken aussaugen, fliegen, angestachelt, taumelt besoffen davon. Tanzen nutzlos in der Sonne, macht dir nichts aus, sie machen gar aus. Ein Bild für die Götter, schönen Gruß vom Schnitter. Si tu étais un membre corporel. La main. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me permet d'écrire et de caresser et de tenir ma fille quand on traverse la rue. On dit jeu de main, jeu de vilain. Mm-hmm. Si tu étais un moment de la journée. L'heure de l'apéro le soir vers 19h. Oh! Ah, c'est plus frais aussi. Hein, c'est moins chaud. Et puis c'est le moment où on commence la soirée, donc il y a autre chose qui commence. Une autre ouverture. Voilà, c'est l'heure où on se retrouve, où on a le temps. Permis ou presque. Voilà. Et si tu étais un autre individu? Je suis très contente d'être moi. J'ai absolument pas envie d'être un autre individu, même comme ça. Non. Alors, tu te sens très bien avec toi, avec ton passé, avec. Oui, enfin, je sais pas si je me sens très bien. Mais tu n'en dis personne. Je m'aime pas toujours. Il y a des choses que je déteste de chez moi. Il y a des choses. J'ai 3 kilos à perdre en ce moment, je trouve. Je suis pas contente de plein de trucs. Je m'adore pas, mais j'aimerais pas être quelqu'un d'autre. Et ce que tu souhaiterais que ta carrière prenne comme tournant, est-ce que tu te souhaites des... Oui, j'aimerais bien... j'aimerais bien qu'elle prenne plus d'ampleur. J'aimerais bien que les gens aient plus accès à ce que je fais et plus la connaissance du fait que j'existe. Mais on ne te voit pas souvent sur les plateaux de télé. Je suis assez ignorée des médias. Pourquoi? C'est à eux qu'il faut poser la question. C'est eux qui m'invitent pas. C'est pas moi qui veux pas y aller. Non, mais on t'entend souvent toujours sur les mêmes chaînes, la France Inter et tout ça. Oui, aux mêmes heures, à 1h du matin. le jour aussi, certaines émissions. Oui, puis Meyer me passe. Oui. Mais ça reste très ponctuel, si tu veux. Je l'avais déjà dit, je t'avais dans la peau, comme une maladie, un coup de couteau, comme un repenti qui se cache et se trouve bien seul, assis sur son cercueil. C'est la mort qui vient, l'amour qui s'enfuit, le bonheur, ça fait pas crédit. Tu l'as déjà dit, fais pas de gros mots, quand tout est fini, c'est un mot de trop. Comme un affranchi qui s'arrache et se méfie de tout, qui tiendra jusqu'au bout? C'est moi qui m'en vais ou c'est toi qui pars? Mon amour, le bonheur, c'est toujours trop tard. Si c'était la vie qui jouait du poignard, avec ma folie, je crois plus au hasard. Avec ma douleur relâchée dans la ville, alors mes seigneurs, personne n'est tranquille. Oh ma belle, encore un verre d'alcool et je vais fusiller le destin en plein vent. Ils l'ont déjà dit, la passion dévore, et qu'au fond d'un puits, je vais jeter ton corps. Je pousserai dessus le sable et les galets de la plage pour cacher ton visage. Oublier ton corps derrière les barreaux, le bonheur, ça fait pas de cadeau. Je vais compter les heures, les jours, les mois, surtout les nuits passées dans le froid. Dessiner tes yeux en milliers d'exemplaires, mon amour, au fond de ma ratière. C'est l'amour qui vient quand le rêve est fini. Le malheur, ça n'a pas de prix. Si c'était la mort qui me voulait trop tôt, elle est bien pressée pour jouer de la faux, veut me faire payer mon amour indocile. Alors la joueuse, on n'est pas tranquille. J'attends, enroulé dans mes chaînes, d'un seul coup d'un seul, allez, finis ma peine. Keeps moving on. C'est l'hiver. OK, pourquoi ça tombe? Je sais pas. C'est ta manipulation. Oh, je suis un mauvais manipulateur. OK. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. bloc 4. Ça, les gens comprennent pas ça quand on dit ça, là, puis ils aiment pas ça. Puis, ah oh, oui, c'est vrai, on a passé tout droit là-dessus. Ben, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va dire de beau, là, puis d'intelligent? Pas grand-chose. Là, jusqu'à présent, là, y a pas de grandes divulgations intellectuelles qui se sont immiscées depuis le début de l'émission. Oh, ben, tu me fais de la peine, là. Georgette, regarde, arrête pas de regarder le dictionnaire. Ben oui. Parce que là, elle compare entre toi et le dictionnaire, puis elle pense bien que le plus épais, c'est pas le dictionnaire. Oh, oh, oh, oh! Tu veux faire le Père Noël? Il est fini, il est parti, il est mort, le Père Noël! Oh, oh, oh! Il reviendra plus jamais de la vie! Oh, oh, oh! Ils vont le détruire pour 2011! Oh, oh, oh! Arrête de faire le Père Noël! Ben non, je pleure! Tu pleures comme le Père Noël? Ben, peut-être que j'étais lui dans une ancienne vie. Ben, un autre crotté qui s'imagine qu'il y a des nouvelles vies, des anciennes vies, une vie peut-être plus intelligente. Puis, ah, voyons donc, essaie de contempler ton présent, puis lâche le futur puis le passé, tes antécédents, ta marijuana. Non, c'est pas de la marijuana, c'est... non, c'est pas ça non plus. C'est... Le passé est un passé dépassé, comme disait Gilbert Bécose. Le présent, qu'est-ce que c'est que le présent? Ben, c'est maintenant, à l'heure où on se parle, 2h50. Non, il n'y a pas 2h50. Hey, oui, là, oui, maintenant, oui, mais les gens qui nous écoutent le 7 janvier, il est l'heure de se dire l'heure. OK, alors on se le dit ensemble? Il est l'heure. Bon, ça fait du bien? Non. Non, pas du tout. Je sens ici un leurre. Un leurre, ben, à force de dire la mauvaise heure. Ben, voyons donc. C'est, l'exactitude n'est pas de ce monde. Bon, on essaye d'y tendre. En Suisse, dis pas ça à des Suisses que l'exactitude n'est pas de ce monde. Ça se passe là-bas. Ben là, comment ça? Ben les mondes suisses, il n'y a rien de plus précis qu'un Suisse. Moi, j'ai fait un travail à l'université. J'ai pas l'air, mais je suis un uni, moi, là. Je suis un uni, puis en cinématographie, j'ai fait un scénario avec un Suisse. Et puis? Ah, c'est... Il avait pas la queue retroussée, lui, là. Comment ça? Ben, il était très triste de travailler avec moi! Oh, ouais, il voyait l'échec. Ben, l'échec total. Un Suisse, rien de plus exact qu'un Suisse. Puis là, j'avais fait le scénario, puis on se reprenait, puis on discutait pendant 10 minutes, des heures, pour une virgule ou un point d'exclamation. Oui, mais c'est eux autres qui maintiennent, c'est la langue française. Nous, on est que des... on ne maintient que le québécisme. Hey, lâche-moi ça, toi, là. Quand tu dis « Hurrah », qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais que t'ouvres les bras. Ben, c'est ça. Alors, c'est un point d'exclamation. « Hurrah », point d'exclamation. Oh, oui, mais c'est vrai. C'est pas « Hurrah », point d'interrogation. « Hurrah, hurrah ». Auras-tu le temps de vivre ta vie? Auras-tu peut-être une ouverture vers l'intelligence avant ta mort? T'en auras pas d'ouverture. T'es dans la fermeture la plus totale, puis c'est pas l'éclair. L'éclair. La fermeture éclair, c'est pas celle-là. Puis en plus, tu vas t'exhiber, la police va arriver, ils vont t'embarquer, puis ils vont dire que tu fais de la grossière imbécence. Imbécence. Mais imbécence, c'est un imbécile imbécent. Oh. Je pensais que j'étais un imbécile incontinent. Incontinent également, imbécent incontinent, un espèce de moins que rien, un plus que numéro un, puis va chier de la poche. Oui, je le connais, lui. OK. Mais pour les gens qui ont suivi depuis le début de l'émission, ils savent ce que tu veux dire, là. Début de l'émission, quelle émission? L'émission qui a commencé hier. Ben, oh! Oh, là, tu mêles le citoyen moyen. Ben oui, mais là, quand il est moyen, il tente déjà de se frayer son chemin. Puis quand il est plus que moyen, ben, il sait déjà ce qu'on va dire avant qu'on ouvre la bouche. Oh, mon doux, c'est un médium extra large. Une pizza, s'il vous plaît, pepperoni fromage, 405 Troisième Avenue, c'est KRL. Et puis, bien sûr, c'est sur le bras du restaurant qui va nous amener ça, ici, directement. Passe. Allô? Oui, penses-tu qu'il y a un restaurant actuellement qui va préparer une pizza pour toi? Oui. Oh, avec quoi? Ben avec pepperoni fromage. Extra quoi? Extra livraison gratos. Et puis? Extra rien gratuit. Oh, alors tu veux que... Ben s'il vous plaît, on va dire le nom du restaurant en onde, on n'est pas gêné. Si on subvient à nos besoins les plus minimes et les plus essentiels à la vie, c'est de se nourrir, de se loger et de s'habiller, on va nommer les personnes qui nous côtoient et qui nous aident devant ce cheminement. T'es un malade, toi? Mais non, non, moi, j'ai pas peur de dire que le restaurant machin-truc m'a offert une belle pizza ou du caviar ou une bouteille de pampane, de propane. Une bouteille de... Oh, j'ai aucun problème avec ça. Une bouteille de propane, en plus, ma voix va changer. C'est pas juste ta voix qui va changer. Comment ça? Ton cerveau va péter. Mais c'est déjà fait, moi, là, là. Regarde. Hé, hey, j'ai pris 2 bouteilles de propane depuis le début. Ah, oh, dès le début de ton existence. Ben, voyons. C'est pour ça que tu frises. Oui. Comment ça, tu sais ça? J'ai fait la même chose avant-hier. Avec qui? Avec Georgette. Oh, feu Georgette. T'as pas mis le feu à Georgette? Oh, on appelle ça un beau numéro 3, ça, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu caresses le micro? Non, j'éteins le postillon sur le micro. Hé, hey, c'est une grosse... C'est pas le pepperoni qui est déjà sorti, mais non, on a pas reçu la pizza! OK! S'il y en a une, je pense que ça va être une pizza fantôme. Garnie à mon illusion. Hey, ça, j'aime ça! Je vais rajouter des oignons, j'aime ça! Tu vas digérer comment? Dans ma tête! C'est merveilleux! Écoute, qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas autre chose, on y va avec ça! Hey! Hey, attends, on a même pas fait le numéro! On est rendu là. Hey, il se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Assois la pizza. Puis, hey, wow! Relax un peu, là. Prends. Y'a-tu un bocal d'eau? Y'a un bocal d'eau. Le poisson est plus là. J'tiens, la SPCA a embarqué nous pas. De l'eau, du fleuve. Rien de mieux que ça. OK. Encore et encore. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Relatons la biographie d'une icône illustre du passé, revisitée ici et maintenant. Alors, on n'a rien arrêté, non? Relatons la biographie. Les micros fonctionnent encore. Nous sommes en onde, malheureusement, oui! OK, merci. Relatons la biographie. Calme-toi, toi. Je me calme comme un choc sperpillé. Oui, c'est un chien, ça. Un nouveau chien. Moi, on ne connaît pas ce chien, là. Mais c'est un chien de 2011. OK, ça fait peur. Relatons... comment ça, 2011? Ben oui, c'est une nouvelle race qu'on vient de faire naître depuis quelques heures. En fait, depuis 2h56. Mais non, on est le 7 janvier! Bon, OK. Relatons... tout le monde est mêlé. On va aller se coucher. Bonne nuit, bye, à la prochaine. Non, c'est pas ça! Relatons la biographie d'une icône. D'une icône. Ça, là, c'est comme quand on met au milieu d'une pizza, c'est une icône. Mais non, c'est un cône! OK, pourquoi? Pour pas aplatir la pizza. Oh, mais moi, c'est juste une pouce. Arrête de te vanter, toi, là, 9 pouces. Mesure ça, baisse tes... Ah, regarde ça, ben. Relatons la biographie d'une icône illustre du passé, revisitée ici et maintenant. Comment il disait l'autre long? Il disait rien. Ben oui, il disait quoi? Mais il écoute pas. Non, c'est. Je ne suis qu'une chanson. Mal, c'est pas elle, c'est lui, ça. OK. Bon, je m'en souviens plus. Qu'est-ce qu'il disait, le don? Ah oui, pardonnez-moi. Non, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh! T'as comme la mâchoire engourdie. Non, mais pour dire ça, moi, là, les répliques bibliques, là, on dirait que le diable rentre dans mon palais. Oh, ton palais de... machiavélique. OK, alors vas-y. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, c'est bon. Alors, viens ici. Viens, on va s'aimer tendrement tout là-haut sur un rayon de soleil. Allez, viens voir le maître en le printemps. Ah, c'est l'hiver. T'es-tu certain? Il fait plus 2 degrés. Voir l'été qui s'éveille. Et c'est maintenant ça fond, la fondaison. Ma calotte dégouline et je suis fort aise. Eh bien, braisé maintenant, je braise. Alors, Plastique le Vert, ça, c'est un sosie imitateur de Plastique Bertrand. Mais oui, Plastique le Vert qui a fait ses débuts ici à Limoilou, hein, devant la place publique au coin de la 6 et de la 3. Il s'est fait arrêter 6 fois par la police. Et puis, comme il avait l'accent de Plastique, c'est-à-dire un Belge caché dans un... une hypocrisie quelconque. Comment ça, ma belle? Ben oui, parce que Plastique Bertrand, c'est pas lui qui chantait. Ben ouais, arrête d'or. En 2010, on l'a dit. Dans les fascicules, dans les revues, dans les journaux, que Plastique Bertrand, c'était pas lui, c'était celui qui le dirigeait. Oh! Alors, ça plane pour moi, là. Ça planait pas vraiment, là. Ben, là, tout le reste des albums, ben, c'est lui. Ben, c'est presque la même voix, ouais. Ben oui, puis en spectacle, il fait la même chose. Non, est-ce qu'il chante sur... Oui, il fait du blé black. Oh, du blé black, comme Michael Jackson. Non, c'est pas du blé black, c'est du play black. Oh,

me faut de banane. Cinquième d'anneau, j'ai pas me fait gaffe à la panne. Tu défonces, tu cries ta vie, t'es une amie. Tu te dames pour une médaille, mais c'est du top en ferraille. Tu casses ta guitare, me presse les taux paradis, puis vous allez aussi. t'endors sous mon piano. Quand je joue, oh, oh, oh, oh, oh, libellule. Et toi, t'as les ailes fragiles. Moi, moi, j'ai la carlingue froissée. Et j'ai chanté toute la nuit. De la nouveauté, oui, hébergeons à partir de maintenant un nouvel atelier d'improvisation. Offrons-nous un peu de septième art dans les oreilles. Amorçons le numéro avec un court extrait cinématographique et enchaînons. Où est-ce que nous avons entendu, là, c'est Charlie Couture. Bon, pour les gens qui essayent de m'appeler, c'est Charlie Couture. Je peux pas aller à la fois répondre au téléphone et faire un micro. Ça, c'est... J'ai essayé, là, même le grand Houdini ne peut pas faire cette extravagance, quoique... Reynald a pu le en arriver à des voluptés assez exceptionnelles à un moment donné de sa vie, mais là aujourd'hui c'est terminé. Il ne peut plus faire ça parce que c'est beaucoup plus complexe. Hein? Ça demande l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, la concomitance, la réaction entre les deux pour en amener à s'extirper du corps, répondre au téléphone, faire un micro. Ça se fait, là, mais aujourd'hui, là, à cette heure si tardive, là, je peux pas donner autant d'énergie parce que ça demande de l'aura, hein, et puis l'aura n'est plus là, elle est partie, et puis le fil qui me relie est un peu, comment dire, raccourci. De la nouveauté, hébergeons à partir de maintenant un nouvel atelier d'improvisation. Offrons-nous un peu de septième art dans les oreilles. Amorçons le numéro avec un court extrait cinématographique et enchaînons sous l'inspiration et la transpiration du moment. Aujourd'hui, nous incrusterons sur la surface écranique le film Bel Ami. Oh monsieur, il était bien le Bel Ami. Oui, Bel Ami est un film de feu Claude Sautet qui nous a quittés en 2010. Et c'est avec beaucoup de chagrin parce que c'est un grand réalisateur. Un type qui a fait beaucoup pour le 7e art en général et pour la Nouvelle Vague. Avec le film Bel Ami, c'est avec Gérard Depardieu. Un film en quelle année? Donc 2008 à peu près, 2008-2007. Avec Gérard Depardieu, Clovis Cornillac, Jacques Gamblin et Marie Bunel. Et ça donne comme ça. Je vais aller voir la femme de Gentil, là. Il m'a laissé son adresse. Attention, c'est très compliqué. Alors, c'est quartier de la Haute-Magaille, 116, les Tuiles Roses. Oui, les Tuiles Roses, allô? Est-ce que je suis à les Tuiles Roses? Elle est plus très rose, là, elle est comme brunante. Ah ben, les Tuiles brunantes, c'est l'inspecteur La Blavelure. C'est pas La Bavure? Non, moi, c'est La Blavelure. Parce que il est déjà connu, La Bavure. Puis, devant toutes ces enquêtes, il en bave un coup. Oh, ça, vous avez entièrement raison. Puis même, on essaye de trouver un chemin vers tout ça. Puis, c'est quand même assez obscur. Ben oui. Comme ce meurtre qui s'est passé il y a quelques jours ici. Oh, ici où? Ici, de l'autre côté de la rue. Nous avons ramassé cet amas. Oh, est-ce que c'était Serge Hamon? Non. On lui a pas demandé, il était déjà non-vivant. Oh, OK, alors c'est un mort, ben oui. En fait, c'est un bouquin qui était juché là par terre, ouvert en deux. Oh, à quelle page? La page 79. Oh, et c'était écrit « La fin est proche, point ». Hey! Hey, ça parle au diable! Non, mais le titre, c'était « Diaboliquement vôtre ». Hey, ça donne le goût de le lire, ça, là! Quel est l'auteur? À hauteur de mots. L'auteur s'appelait « Auteur de mots ».« Auteur de mots ». Ah, oh, ça, c'est comme un consensus d'auteur, effectivement. Comment ça, vous savez ça? Ben oui, mais moi, je suis dans le milieu littéraire, là. Puis j'ai laissé la place à des grands de ce monde qui, aujourd'hui, hein, font des succès grandioses. Donc, la belle Belge Amélie Nothomb. Oh, elle a commencé avec vous? Ah, elle a commencé avec moi, puis même d'autres, là. Aristide Lemieux. Oh, lui, je le connais pas, lui. Aristide Lemieux, voyons donc, le grand Aristide. Lemieux? Le mieux que c'est qu'on l'oublie parce que ça me dit rien. Ouais, mais si ça te dit rien, c'est parce que t'es pas un lecteur. Ben, comme on dit ici, non, je suis pas un grand liseux. Mais les gens qui disent liseux, effectivement, ça ne lit pas parce que ça n'existe pas. Quoi, des liseux? Ben non, c'est des lecteurs. Oh! Alors, vous êtes... oui, je suis quand même outré par votre explication. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce bel ami? Ben, ce bel ami s'est ouvert, c'était le livre, et puis j'ai trouvé qui avait amené ce bouquin à cette page et sur cette rue. Ben, voyons donc, c'est qui? C'est la masse média. La masse média? Oui, pour qu'on parle de lui. De quoi de lui? Du livre. Est-ce que ça a fonctionné? Ben non, parce que personne ne l'a su, à part une petite télévision. Comment ça, une petite télévision? Ah oui, noir et blanc, puis 12 pouces, puis personne voyait ça. C'était tellement petit. Même moi, qui a des lunettes HD, super divisées, puis avec Achrome, et puis Surround Digital Dolby. Je n'ai pas vu ça, moi, là, mais on me l'a dit. Ah, oh, ben si on te l'a dit, ben hey, comment ça qu'on me contrait des sornettes? Ben, j'ai pas dit ça, moi, là. Fausse-toi pas, OK. Hey, merci de m'avoir écouté. C'était Errance Rénaldienne de ce 7 janvier 2011. C'est mêlant, hein, cette affaire-là. Et puis, on se retrouve avec autre chose. Mais là, je peux pas le dire parce que c'est pas dans le cadre de ce que je veux faire là. OK, mais c'est quoi? Brigitte Fontaine. Ah, après ça! Mais non, mais pas les gens qui nous écoutent le 7, là, mais pour les gens qui nous écoutent le 1er. Oh, j'ai tout compris! Hey, c'est de la magie. Oh, j'aime ça, de la magie. Fais-toi disparaître, OK? 1, 2, 3, pouf! Ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire la semaine prochaine. Ni Dieu, ni maître, moi, je n'ai rien. À part peut-être quelques problèmes. J'ai l'air d'un ange, c'est affreux, mais c'est le syndrome des cheveux blonds. On me donne le code des cartes bleues et le bon Dieu sans confession. Mais si j'ai l'air douce et charmante, ce n'est jamais que des trompe-l'œil. Et toi, dis-moi qui tu fréquentes et moi, je te dirai ta gueule. Je suis méchante et ça m'enchante. Je suis méchante, méchiante. J'y suis pour rien, c'est pas de ma faute si des fois je deviens taquine. Moi j'adore les problèmes des autres, ça sera ça les bonnes copines. J'ai des principes, faut pas se tromper, l'amour de l'art et la manière. Puis je suis bilingue en méchanceté, langue de pute et langue de vipère. Je suis méchante quand ça me chante. Je suis méchante, méchante. Pour le fin du fin, c'est avec ceux qui sont nos amis les mecs. Y'a pas à dire, ça change la vie d'avoir un homme de compagnie. Toujours très joueur et tout câlin, c'est le meilleur ami du chien. D'ailleurs, ils ont aussi une âme et c'est le meilleur ami de la femme. Et comme un couple, c'est comme l'armée, faut pas comprendre, juste marcher. Je l'ai fait glisser sur une peau de vache, c'est l'amour avec une grande hache. Je suis méchante et je le chante. Je suis méchante, méchante. Être méchante, c'est tout un art, un savoir-faire, presque un métier. Mais si on tombe sur l'oiseau rare qui veut quand même vous épouser, il faut pas donner dans le panneau. Ça veut pas dire qu'on a échoué, vu que si on veut vraiment sa peau, ben on peut toujours accepter. Je suis méchante et ça m'enchante. Je suis méchante, méchante. Ouais, je suis méchante. Malveillante, extravagante, méchante, décolorante et décoiffante, assez saoulante et médisante, terrorisante, méchante, traumatisante, bref, totalement sadique, méchante, totalement sadique, méchante, mais surtout chiante, méchante. Même si les médias te boudent un peu, les autres te reconnaissent et ben c'est merveilleux. C'est super. Mais éventuellement, c'est ça. Tu me disais que tu avais 4 titres préparés et il le reste tranquillement. Peut-être en revenant du Pérou, tu seras. Oui, j'ai 4 titres de fait. Puis j'ai commencé 2 livres à écrire. Voilà, enfin, tu vois, je suis en pleine activité d'écriture. Ah, mais

toute la vie, toute la vie. De là. Je bois à trop forte dose, je vois des éléphants roses, des araignées sur le plastron de mon smoking, des chauves-souris au plafond du living room. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là comme un arbre rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room. Ces araignées sur le plastron de mon smoking, ces chauves-souris au plafond du living room. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là comme un arbre rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room. Ces journées sans toi ne servent à rien. Elles passent et puis voilà. Crois-moi, crois-moi, tous ces journées sans joie. Et toi comme un miracle qui n'arrive pas. Tout ce que je voulais de bon pour toi et moi, c'est de la porcelaine qui vole un éclat. Tout ce que je voulais de bon pour toi et moi, et tous ces petits bouts qu'on ne retrouve pas. Reviens. Reviens, ou je me fous en bas. Ce n'est pas du chantage, mais ça dépend de toi. Crois-moi, crois-moi, crois-moi, je ne mens pas. Si tu voyais mes cernes, la nuit je ne dors pas. Chaque jour sans amour aborde un peu de moi. Il y a des pelures dans tous les coins, ma vie en petit tas. Tu m'as confié ton ombre, mais toi tu n'es pas là. J'ai le brouillard de l'ombre sur chacun de mes pas. Tous ces journées sans toi ne servent à rien et passent et puis voilà. Voilà, voilà qui me revient tout ça. Ces journées fous d'amour accrochées à ton bras. Six mois si longs sans nouvelles de toi. Peut-être que je te manque mais je ne le sais pas. Six mois, ça fait déjà six mois que je perds les pétales. Reviens-moi, reviens-moi. Java sans moi, puisses-tu finir pute mal mariée, très seule et tout en bas. Tu vois, tous ces journées sans toi me mènent à rien, je fais n'importe quoi sans toi. Thank you.